إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا في هذا الشهر الكريم وأن يجعلنا من القائمين الصائمين والمكثرين للعبادة، إنه الولي بذلك والقادر عليه. Nous allons parler aujourd'hui, inshallah, tabarak wa ta'ala, la prophétie de Yusha ibn Nun, alayhi salat wa salam. La mention de sa prophétie et de la charge des enfants d'Israël après la mort de Moussa. Il est Yusha ibn Nun ibn Ibrahim ibn Yusuf, descendant donc d'un prophète, Yusuf fils de Yaqub, qui est lui-même le fils d'Ishaq et lui-même le fils d'Ibrahim. Allah tabaraka wa ta'ala le mentionne dans le Coran sans le nommer dans le récit d'Al-Khadir, cité précédemment, parce qu'il dit « Rappelle-toi quand Moussa dit à son disciple » ou alors « Puis lorsque tous deux eurent dépassé cet endroit, il dit à son disciple » Le disciple ici, mentionné dans ces deux versets, et Yusha ibn Nun. Je vous renvoie pour cela au cours numéro 82 et 83 de cette même série. Nous avons également mentionné qu'il est rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari d'après Ubay ibn Ka'b que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il s'agissait de Yusha ibn Nun. Les gens du livre sont unanimes à dire qu'il reçut la prophétie. Un groupe d'entre eux, As-Samira, ne reconnaît aucune prophétie après Moussa si ce n'est celle de Yusha ibn Nun, car il est mentionné nominalement dans la Torah. Et il relie donc tous les prophètes après lui. Quant à ce que rapporte Ibn Jarir et d'autres exégètes, d'après Muhammad ibn Ishaq, disant que la prophétie a été transférée de Moussa à Yusha à la fin de la vie de Moussa, et que Moussa rencontrait Yusha et lui demandait ce qu'Allah avait révélé, ce qu'Allah avait révélé comme ordre et interdiction. Et c'est au point que Yusha lui dise « Oh toi, à qui Allah a parlé de vive voix, je ne t'interrogerai pas sur ce qu'Allah te révélait jusqu'à ce que tu m'en informes de ta propre initiative. » À partir de ce moment, Moussa détesta vivre et voulut mourir. Mais cela est discutable, car Moussa, alayhi salatu wa salam, n'a cessé de recevoir les commandements, la révélation, la législation et les paroles d'Allah en toute situation, et ce, jusqu'à ce qu'Allah le fasse mourir. Il n'a cessé d'être respecté, honoré et estimé auprès d'Allah, ainsi que l'imam Ibn Kathir l'a rappelé, lorsqu'il creva l'œil de l'ange de la mort et qu'Allah lui fit savoir. Si c'est la vie qu'il veut, qu'il mette la main dans le pelage d'un taureau, il aura une année de vie supplémentaire pour chaque poil que sa main couvrira. Moussa demanda alors, et après cela? Et l'ange lui répondit, après cela c'est la mort. Moussa lui répondit alors je préfère mourir maintenant, ô Seigneur. Il demanda à Allah de le rapprocher d'une distance d'un jet de pierre de la Terre Sainte, et on l'exauça en cela, qu'Allah fasse ses éloges et le salue. Muhammad ibn Ishaq, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit, il rapporte cela des livres des gens du livre. Pourtant, il est écrit dans le livre qu'il nomme la Torah, que la révélation n'a pas cessé de descendre sur Moussa à chaque fois qu'il en avait besoin. Et ce, jusqu'à la fin de sa vie. Et cela apparaît clairement dans leur livre lorsqu'il est question du sarcophage d'Abud qui se trouvait dans l'Arche d'Alliance. Il mentionne dans le troisième livre qu'Allah ordonna à Moussa et Haroun de préparer les tribus des enfants d'Israël et de mettre à la tête de chacune des 12 tribus un responsable, un chef, afin de se préparer au combat contre les hommes puissants à la fin de l'errance, lorsque les 40 années étaient sur le point de prendre fin. C'est pourquoi certains d'entre eux ont dit que c'est la raison pour laquelle Moussa creva l'œil de l'ange de la mort, car il ne l'a pas reconnu sous cette apparence, et qu'on lui avait donné un ordre dont il espérait la réalisation de son vivant. Mais Allah n'avait pas prédestiné que cela se passe de son vivant, mais sous la direction de son disciple, Yusha ibn Nun alayhi salatu wassalam. L'imam Ibn Kathir ici va faire un parallèle entre cette situation où c'est Yusha ibn Nun qui va guider les enfants d'Israël vers la Terre Sainte et non Moussa, avec ce qui s'est produit au temps du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il dit ceci de la même manière que le messager d'Allah voulut combattre les Romains au Chem, jusqu'à parvenir à Tabouk, en l'an 9 de l'Hijra. Puis, il accomplit le pèlerinage en l'an 10. Puis, il revint et envoya l'armée de Oussama vers le Chem en avant-garde. Puis, il voulut les rejoindre conformément à la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Sourate numéro 9, verset 29. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent l'impôt de capitation de leurs propres mains et soissons. Mais après avoir envoyé l'armée de Oussama, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam mourut, alors que Oussama campait près de la région de Jurf. C'est son ami et son successeur Abu Bakr qui s'en chargea donc. Et lorsqu'il en eut terminé avec la péninsule arabique et ses alentours, et que la vérité y était revenue, il prépara des armées de bout en bout et les envoya vers Kisra, le roi des Perses et ses sujets, et aussi vers Caïsar, César, le roi des Romains et ses sujets. Allah leur accorda la victoire, les installa fermement et leur donna pouvoir sur leurs ennemis. Donc on voit bien ici que le prophète Mohammed avait l'intention lui-même de combattre les Romains, et il a mis en place toutes les causes nécessaires pour cela. Mais Allah a voulu tabaraka wa ta'ala qu'il meure avant, et c'est donc son successeur Abu Bakr, le premier calife des musulmans, qui se chargea de cela. Et il en est de même pour Moussa, qui n'a pas eu la charge et le devoir de faire rentrer les enfants d'Israël en Terre Sainte, hein, car Allah tabaraka wa ta'ala décréta qu'il devait mourir avant cela. Mais ce fut son successeur légitime, Yusha ibn Nun. Allah ordonna également à Moussa de préparer les enfants d'Israël au combat et de désigner des chefs. Comme Allah dit, tabaraka wa ta'ala, وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. السورة 5 verset 12. Allah a pris un engagement des enfants d'Israël. Nous ne donnâmes 12 chefs parmi eux. Et Allah dit, Je suis avec vous. Et Allah dit, je suis avec vous tant que vous accomplirez la prière, acquitterez la zakat, croirez en mes messagers, les aiderez et que vous dépenserez pour Allah. Si vous faites cela, je pardonnerai vos péchés et vous ferai entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Et quiconque parmi vous mécroit après cela s'égare du droit chemin. Il leur dit, si vous accomplissez ce que je vous ordonne, et que vous ne fuyez pas le combat quand vous l'avez fui une première fois, je ferai de la récompense de ce combat une expiation du châtiment qui devait vous atteindre pour cette première fois. De la même manière qu'Allah dit aux Bédouins qui se sont écartés du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lors de la bataille de l'Hudaybiyya, قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. La sourate 48, verset 16. Dit aux Bédouins qui sont restés en arrière, vous serez bientôt appelés contre des gens d'une force redoutable, puis les combattrez à moins qu'ils ne se soumettent. Si vous obéissez, Allah vous donnera une belle récompense. Et si vous vous détournez comme vous vous êtes détourné auparavant, il vous châtiera d'un châtiment douloureux. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit aux enfants d'Israël, et quiconque parmi vous mécroit après cela s'égare du droit chemin. Ensuite, Allah les a blâmés pour l'ignominie de leurs actes et la rupture de leur engagement, de la même manière qu'il a blâmé ceux venus après eux parmi les chrétiens pour leur divergence dans la religion. Comme nous l'avons rappelé en détail dans le tafsir et la louange d'Allah tabarak wa ta'ala. Il continue, il dit, l'essentiel est qu'Allah tabarak wa ta'ala ordonna à Moussa d'inscrire les noms des combattants des enfants d'Israël, ceux qui porteront les armes et se rendront au combat, parmi tous ceux qui auront plus de 20 ans, et de désigner un responsable à la tête de chaque tribu. Les tribus sont la première, celle de Rouben, car ce fut l'aîné de Yaakoub, alayhissalam. Cette tribu se composait de 46 500 combattants. La deuxième, celle de Shamroun, qui se composait d'environ 59 000 combattants, voire un petit peu plus. La troisième est celle de Yahouda, qui se composait de 14 600 combattants. La quatrième, celle de Issachar, qui se composait de 54 400 combattants. La cinquième, la tribu de Youssouf, alayhissalam, qui se composait à peu près de 40 000 combattants, dont était issu Yusha ibn Nun. La sixième, celle de Misha, il était dit que c'est celle de Zabulun, qui se composait de 31 200 combattants. La septième, celle de Benyamin, qui se composait de 35 400. La huitième, celle de Had, qui se composait de 45 600. La neuvième, celle de Ashir, qui se composait d'un peu moins de 42 000 combattants. La dixième, celle de Dan, qui se composait de 62 700. Et la onzième, celle de Naphtali, qui se composait de 53 400. Il en reste une dernière, ce sont les Lévites. Les Lévites n'étaient pas de ceux destinés à combattre, car Allah tabaraka wa ta'ala avait ordonné à Moussa de ne pas les compter en tant que combattants, car ils étaient ceux chargés de porter l'arche d'alliance et de s'en occuper lors de leur voyage. Ce sont les descendants de Moussa et Haroun. Parmi les Lévites, il y avait Moussa et Haroun. Ils étaient 20 000. Il y avait chez eux plusieurs clans, et chaque clan avait en charge une partie de l'arche d'alliance dans le fait de la protéger, ou de l'entretenir, ou de la porter, ou de la dresser, et ce furent ceux qui se trouvaient constamment autour d'elle. Le nombre de l'ensemble des combattants s'élevait donc à près de 570 000 combattants. L'essentiel est qu'il ne subsistait aucun de ceux qui ont refusé d'entrer sur le territoire des hommes puissants. Ceux qui ont dit, va donc toi et ton Seigneur et combattez, nous restons là où nous sommes. Comme cela a été rapporté par l'imam al-Thawri, d'après Abu Sa'id, Ikrimah ibn Abbas et Qatada. Tous ceux qui avaient objecté cela la première fois n'étaient plus vivants cette seconde fois. L'imam Soudi le rapporte également d'Ibn Abbas, Ibn Mas'ud et de plusieurs compagnons. Ibn Abbas et d'autres savants, passés et contemporains, ont dit que Moussa et Haroun étaient tous deux morts pendant l'errance. Nous verrons la semaine prochaine, Inch'Allah tabarak wa ta'ala, le détail de cela, Inch'Allah tabarak wa ta'ala, comment Yusha ibn Nun a conduit les enfants d'Israël en Terre Sainte, quelles furent les conséquences, quels furent les événements marquants et emblématiques de cela. Et nous clôturons sur la fin de la prophétie de Yusha ibn Nun, alayhi salat wa salam, nasallahu tabarak wa ta'ala, nuwaffiqana jami'an lima yuhibbuhu wa yarda, wa nas'aluhu tabarak wa ta'ala al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina, wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.